بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans le livre l'explication de Kitab Adab al-Mashi ila al-Salah, c'est-à-dire le livre qui explique les manières de la marche vers la mosquée et qui comprend les règles de la salat, de la zakat et du jeûne, avec le sharh de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bon, le livre, à la base, c'est un livre de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur le fiqh. Et le sharh, c'est le sharh de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Le Sheikh, il dit: قوله ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم. وبعد الإتيان بالتشهد. Donc on va lire ça, on va traduire cette partie qui est en fait le texte du livre Adab al-Mashi ila al-Salah de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le Sheikh, il dit, il est recommandé pour quelqu'un de dire, hein, ça c'est bien entendu après avoir fait le tashahhud et la salat al-Ibrahimiyya, à la fin de sa salat, il fait le dua suivant, hein: oh Allah, je cherche refuge en toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, et je cherche refuge en toi contre l'épreuve de la vie et de la mort, et je cherche refuge en toi contre l'épreuve et la fitna de al-Masih al-Dajjal, le Dajjal. Et il peut également faire d'autres invocations. S'il peut faire d'autres invocations, hein, parmi les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est un bien aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: puis il choisit ce qu'il veut comme invocation parmi celles qui, parmi les invocations qui lui plaisent. Le Cheikh Abdul Muhsin, il explique ça en disant: بعد الاتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثانية الثنائية عفوا في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم، ولفظه: ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحبه. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، رواه مسلم. Donc le cheikh, il dit, après avoir fait le tashahhud dans la salat, le tashahhud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières qui ont deux tashahhud, hein, il fait dans, après avoir fait son dernier tashahhud, dans les prières ou dans les salawat qui ont quatre ou trois rak'at, comme al-asr, wal-zuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, et bien après avoir terminé le tashahhud et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'invocation qu'il veut. Et le mieux dans cela, c'est de faire ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme invocation. Et parmi hein, les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que la personne choisisse parmi les invocations celle qui lui plaît le plus et qui l'invoque. Et ça, c'est la narration de Abdullah ibn Mas'ud, la version de l'imam al-Bukhari. Tandis que dans la version de l'imam muslim, il dit, et puis il choisit après, parmi les différentes formes de demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'il veut ou celle qui lui plaît le plus, celle qu'il aime le plus. Et parmi les exemples de ça, ce qui est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, que lorsque quelqu'un d'entre vous a terminé de faire le dernier tashahhud, qu'il cherche refuge en Allah contre quatre choses: contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal du Messie Dajjal. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ensuite: wa yajuzu ad-du'a li shakhsin mu'ayyan لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. Donc il dit le cheikh qu'il est permis également à quelqu'un de faire un dua pour une personne spécifique, comme le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait une invocation pour les personnes opprimées et faibles à Mecca. Et le cheikh il dit, cheikh Abdel Mohsin, hafizahullah ta'ala, « للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحبه ويسميه. » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده. » يدعو لرجل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh explique que la personne qui fait la salat, quand elle fait des duas dans sa salat, elle peut faire des duas pour ceux qu'elle aime et elle mentionne leur nom de façon spécifique, comme c'est rapporté dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête, il disait, hein, que Allah exauce celui qui le glorifie, hein, notre Seigneur, c'est à toi qu'appartient la louange. Et il invoquait pour des personnes en particulier en mentionnant leur nom. Et il disait par exemple: oh Allah, délivre Al-Walid ibn Al-Walid et Salamat ibn Hisham et Iyash ibn Abi Rabi'a et les personnes faibles, hein, et opprimées parmi les croyants. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Puis ensuite il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك والالتفات سنة ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده ويجهر إمام ويجهر إمام إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره نعم ويسرهما غيره ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. Donc le cheikh il dit que la personne en question qui fait la salat, elle doit faire le taslim, hein, elle termine sa salat en disant assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, puis elle dit par la suite assalamu alaykum wa rahmatullah en se tournant à gauche. Et le cheikh il dit que le fait de se tourner, c'est une sunnah. C'est-à-dire, c'est recommandé seulement. Si quelqu'un, par exemple, supposons que quelqu'un ne le faisait pas, sa prière serait quand même valable. Mais c'est une sunna à faire et il ne faut pas la négliger. Hein, c'est recommandé de le faire, c'est une sunna, il ne faut pas négliger ça. Et il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait un peu plus du côté droit. Hein, au point où on pouvait voir sa joue quand il se tournait à droite, c'est-à-dire les personnes qui priaient derrière lui à droite, pouvaient voir quand il se tournait à droite sa joue. Et il dit donc, il dit le taslim, le premier taslim à haute voix très fort seulement. Puis pour les gens qui sont derrière l'imam, eux ils le disent à voix basse, ils disent pas assalamu alaikum à voix haute. Et il est permis également de ne pas le prolonger trop, hein? Comme par exemple quand certains disent assalamu alaikum wa rahmatullah, donc c'est recommandé de ne pas trop le prolonger et de ne pas faire trop long le taslim. Et il dit, il a par cela l'intention de sortir de la salat. Il a par cela l'intention de sortir de la salat, et en même temps il a l'intention aussi de passer le salam aux anges qui enregistrent ses actions et aussi à ceux qui sont présents parmi les personnes qui prient avec lui. الشيخ يقول ensuite: وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة الثنائية يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ويجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم وروى النسائي في سننه وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا. Donc le cheikh il dit qu'après le tashahhud, après la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on appelle aussi as-salat al-ibrahimiyya, on fait donc un dua, hein, comme le dua dans lequel on cherche la protection contre le dajjal, contre l'enfer et le châtiment de la tombe, et les quatre choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et ça c'est dans les prières qui ont deux tashahhud. Prières qui ont deux tashahhud, et quand on a terminé de faire ça, c'est-à-dire de faire les du'as et tout, eh bien on fait le taslim. Le taslim ça veut dire de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, et donc on commence par la droite, on tourne la tête par la droite, puis on dit assalamu alaykum wa rahmatullah. L'imam il le dit à haute voix, toutefois les gens derrière eux ils le disent à voix basse, ils ne disent pas à haute voix. Et il se tourne ensuite, donc après avoir fait à droite, il fait par la suite à gauche. Mais il est mentionné dans le hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait sa tête pour faire le taslim, comme ça, assalamu alaykum wa rahmatullah, il dit que je voyais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le taslim à gauche et à droite, yani il se tournait jusqu'à ce que je sois capable de voir la blancheur de sa joue. La blancheur de sa joue, c'est-à-dire que quand il se tournait, on voyait hein, sa joue quand il se tournait. C'est-à-dire il se tourne quand même assez loin. Hein. C'est pas juste comme ça ou comme ça. Yani il se tourne vraiment complètement vers la droite et vers la gauche. Et il dit à d'autres parmi les ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim, et l'imam An-Nasa'i il a rapporté également dans son Sunan avec une chaîne de transmission authentique également selon Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le taslim à droite et à gauche en disant assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, jusqu'à ce qu'on puisse voir la blancheur de sa joue de ce côté-ci et de ce côté-là. Hein? Et le cheikh il dit وَذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ إِعْلَامَ الْمُوَقِّعِينَ أَنَّ أَحَادِيثَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ جَاءَتْ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح حسن وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط من الخروج والخروج من الخلاف. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il mentionne que les hadiths à propos de la sortie de la salat en faisant le taslim, les deux taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, que ça s'est rapporté dans plus de 15 parmi les narrations dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté des compagnons, et que ces hadiths-là, ces 15 hadiths, sont entre le degré de sahih et de hasan. Donc ça veut dire que c'est des hadiths qui sont acceptés, qui sont valables, qui sont des preuves. Et les hommes de science, certains parmi les hommes de science, ont mentionné que on pouvait se limiter uniquement à faire un seul taslim. Hein? Et ça, on le voit dans certains pays, dans certains pays musulmans, lorsqu'ils font la prière, ils disent seulement le taslim d'un seul côté. Par exemple, ils vont dire assalamu alaykum wa rahmatullah et c'est fini. Hein? Ou bien assalamu alaykum et c'est fini. Ils vont pas faire l'autre côté. Et ça, j'ai vu ça en particulier au Maroc, par exemple. La plupart des mosquées au Maroc, les imams, ils font juste le taslim d'un seul côté. Et le cheikh, il dit, ça c'est une opinion parmi les opinions des ulama. Il dit toutefois, la position qui supporte le fait de faire deux taslims, hein, elle est supportée par le plus de preuves. Et c'est la position qui fait en sorte que tu et dans l'aspect, tu suis qu'est-ce qui est le plus sûr. Tu suis dans ce cas-là qu'est-ce qui est le plus certain, et tu sors de la divergence en faisant les deux. Parce que la divergence, c'est que est-ce que tu fais juste un taslim ou deux. Mais si tu fais les deux, dans ce cas-là, tu es certain d'avoir un ou l'autre. Mais si tu fais juste un côté, puis que cette position, elle est incorrecte, donc dans ce cas-là, ta prière, tu vas être dans le doute. Est-ce que je suis sorti de la salate ou non? Parce que tu as juste fait d'un côté. Donc c'est mieux de faire les deux, hein, dans ce cas-là. Et les preuves supportent ça de toute façon. Le cheikh, il dit ensuite, وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام وينوي أنه أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وفيه إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على خده على فخذه إنما يكفي أحدكم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم. Le cheikh, il dit que le musalli, la personne qui fait la salat, quand elle fait le taslim pour sortir de la salat, elle le fait avec cette intention là justement de sortir de sa salat. Donc quand elle fait le taslim, assalamu alaykoum wa rahmatullah, assalamu alaykoum wa rahmatullah, c'est pour dire que ça y est, ma prière est finie, je sors de la salat. OK? Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que la clé de la salat, c'est la purification, la pureté. Puis qu'est-ce qui te fait rentrer dans l'état sacré de la prière? C'est le premier takbir, quand tu dis Allahu Akbar au début, ça te fait rentrer dans la salat. Et qu'est-ce qui t'en fait sortir? C'est le taslim, c'est-à-dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et donc il dit le cheikh que comme on l'a mentionné ça lorsqu'on a parlé du premier takbir, takbiratul ihram, donc tu as l'intention, hein, aussi en faisant le taslim de passer le salam à des frères qui sont à ta droite et à ta gauche, parce qu'il y a des gens qui prient à ta droite et à ta gauche. Donc quand tu te tournes, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, tu leur passes le salam en même temps, hein? Et ça, c'est ce qui vient en même temps établir que ceux qui après la salat ils se serrent la main puis ils se donnent le salam, que ça c'est, hein, inutile, puisque déjà en finissant la salat ils viennent juste de se donner le salam, hein? Donc ça fait partie des innovations que certains musulmans font. Après la salat, ils se passent le salam. Donc ça c'est contradictoire à la sunna. Puis les sahaba ils faisaient pas ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire ça. Déjà en faisant le taslim, tu dis le salam à celui qui est à droite et à gauche, donc t'as pas besoin de le refaire. Et le cheikh il dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim qu'il est suffisant pour l'un d'entre vous de mettre ses mains sur ses cuisses puis de faire le taslim. Hein, il passe le salam à son frère à sa droite et à sa gauche. Donc ça c'est la preuve, hein, à ce sujet là le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu wa in kanat as-salat aktharu min rak'atayn nahada mukabbiran ala suduri qadamayhi idha farigha min at-tashahhud al-awwal ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره. Le cheikh il dit ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit si cette salat qu'il fait, c'est une salat qui a plus que deux rak'at, hein, il est en train de faire une salat qui a plus que deux rak'at, et là il vient de terminer le premier tashahhud, il va se relever en faisant le takbir et se mettre sur ses deux pieds après avoir terminé le premier tashahhud. Puis il va compléter le reste de la salat de la même manière que qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce qui a précédé, excepté qu'il ne va pas réciter le Coran à voix haute, hein, et il ne va pas non plus réciter quelque chose après la Fatiha. Mais s'il fait, c'est-à-dire s'il récite quelque chose après la Fatiha dans la troisième et la quatrième raka'a, il n'y a pas de mal à ça et ce n'est pas quelque chose qui est blâmable. Le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit: إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكبرا رافعا يديه مع هذا التكبير لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام ويأتي بما بقي من صلاته إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه ويقرأ في الركعتين الآخرين بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم واللفظ له وله أن يقرأ في الركعتين الآخرين من الظهر والعصر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر وفي الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك رواه مسلم. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, حفظه الله تعالى, il dit, la prière qui a plus que deux rak'at, lorsque la personne se lève après avoir fait son tashahhud, hein, elle fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tashahhud, puis elle se relève en faisant le takbir Allahu Akbar, hein, puis elle lève ses mains, hein, en faisant le takbir à cause du hadith de Ibn Omar qu'on a mentionné à ce sujet là dans Sahih al-Bukhari, et on en a parlé de ça lorsqu'on a parlé de takbiratul ihram. Et il fait qu'est-ce qui lui reste à faire de sa prière, soit la troisième et la quatrième raka'a, ou bien si c'est le maghrib, la troisième raka'a. Et il dit que à ce moment-là, la troisième et la quatrième raka'a, il n'a pas à réciter à voix haute. Il récite à voix basse après la fin, il récite à voix basse et il ne récite pas autre chose que la Fatiha. Il ne récite pas autre chose que la Fatiha. C'est ça. Il ne récite pas quelque chose après la Fatiha à cause du hadith de Abi Qatada radiyallahu anhu, dans lequel il est mentionné que il récite dans les deux dernières rak'at la Fatiha du livre, hein, la Fatiha. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la version de Muslim. Et il dit que par contre, si c'est les deux dernières rak'at de Zuhr et de Asr, après la Fatiha, dans les deux dernières rak'at, il peut réciter un autre verset aussi. Comme par exemple, quand tu fais Salat al-Asr, wa alaykum salam wa rahmatullah, quand il fait Salat al-Asr, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, il peut, après dans la troisième et quatrième rak'at, après avoir récité la Fatiha, il peut réciter une autre ayah, une autre surah plutôt, comme Al-Fatiha. Pardon, pas Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas, yani une petite sourate dans la troisième et dans la quatrième, de Dhuhr et l'Asr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait souvent. Et c'est rapporté par Abu Sa'id, ou selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans le Sahih de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait dans sa salat de Dhuhr, hein, dans les deux premières rak'at, dans chaque rak'at, il récitait la quantité équivalente à 30 versets. Et dans les deux dernières, la quantité de 15 versets, ou bien la moitié. Donc les deux dernières rak'at étaient la moitié des deux premières. Et il dit, et dans les deux dernières, il récitait parfois 15 versets, ou la moitié de ce qu'il récitait dans la première. Puis ça c'est pour la prière de Dhuhr. Et pour la prière de Asr, dans les deux premières rak'at, il récitait à peu près 15 versets, puis dans les deux dernières, la moitié de ça. C'est-à-dire la moitié de 15, à peu près 7 à 8 versets. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Cheikh dit ensuite, وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُدِ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. On va donc commencer.